listening to Overdrive on Radio Dio. Yes, salut à tous, c'est bien parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio en ouverture. Vous venez d'entendre le groupe Dine Yankees, qui était ce super groupe qu'on a connu à la fin des années 80, dans lequel on retrouvait, outre Ted Nugent, Jack Blades, Tony Shaw également, et Michael Cartellone, donc le chanteur de Styx, avec Ted Nugent à la guitare sur ce premier album éponyme, pas mal bien entendu d'harmonie vocale qui font des ravages tout simplement. Donc ce soir dans Overdrive, on aura de l'excellente musique avec de la nouveauté, du bon rock également d'été, j'ai envie de dire, et puis également une interview du groupe Ever After qui était réalisé lors du festival Plein Air Fest au début du mois de juillet. Et ce groupe lyonnais nous propose une musique d'inspiration métal symphonique vraiment super cool. On en parlera un peu plus tard dans l'émission. Pour l'heure, on passe au groupe Extrême qui nous a sorti cet album Six sur le label V-Records. C'était au mois de juin. Le premier titre de l'album a fait parler de lui, puisque le solo de Nuno Bettencourt est absolument fabuleux. Si vous ne l'avez pas encore écouté, c'est maintenant dans Overdrive Radio Duo Extreme avec Rise. Yes, vous venez d'entendre le groupe Avenged Sevenfold avec son dernier album qui a bien, là aussi, cassé la baraque ces dernières semaines, ces derniers mois. On va continuer maintenant dans Overdrive Radio Joe avec de la musique d'été, tout simplement, j'ai envie de dire, The Defiance, ce projet qui a vu le jour sur Frontiers Records. Ils en sont ensemble, à mon sens, à leur troisième album, sur lequel on retrouve les membres du groupe Danger Danger, Paul Laney, Bruno Ravel, et le guitariste Rob Marcello, frère de Kim Marcello, que l'on a connu à la fin des années 80 au sein d'Europe. Donc tout ce beau monde se réunit pour jouer, bien entendu, du hard rock mélodique, comme ils savent si bien le faire. On est pas très très loin de ce qu'ils avaient pu nous proposer sur Danger Danger. Go Big or Go Home, extrait de l'album Drive. J'ai eu la chance de rencontrer le guitariste Rob Marcello en Suède il y a de ça quelques semaines, un excellent guitariste qui fait des merveilles. Donc jetez-vous sur ce projet The Defiance tout de suite avec l'album Drive qui voit le jour sur Frontiers Records. Raptors 2 watch you move, and I watch you dance. I watch you drift away. I'd give anything for you. You know that's bad when it gets that way. You can't go on like this. I don't wanna fight again. I don't give a damn anymore. Right or wrong, you're gonna let me in. Straight to your heart. Cause this time's real. This time's forever. I know where you are. Cause baby, I've been there before. Et on vient d'enchaîner avec Bad English, avec Straight to Your Heart. Ça nous ramène à l'année 1991 et cet album Backlash sur lequel on retrouvait Neil Sean à la guitare et le batteur Dean Castronovo. Bien entendu, donc je l'ai annoncé en début d'interview, en début d'émission. Ce soir dans Overdrive, nous avons une présentation du groupe Ever After de Lyon avec un petit extrait de leur premier album Fucking Phoenix qui suivra juste après. Donc c'est une interview qui sera bien entendu non directe. Elle a été préenregistrée lors du Plein Air Fest qui s'est passé juste à côté de l'aéroport de Saint-Exupéry à Lyon au début du mois de juillet. Et on s'envoie ça tout de suite, c'est bien entendu dans Overdrive Radio Duo. Alors, Ever After, content d'avoir ouvert ce Plein Air Fest 2023, comment ça s'est passé pour vous ? Génial. Aux anges, on va dire ça. C'est ouais. Ça. Franchement, c'était une expérience de malade. Ouais, alors juste faire l'ouverture du Plein Air, c'était une expérience. J'ai adoré le moment. Du monde, bonne ambiance, le son sur scène, tout bien. Le son sur scène, génial. L'ambiance, le public réceptif, c'était vraiment super. Rien à acheter. Les gens étaient trop énormes, quoi. 90% des gens qui étaient là ne nous connaissaient pas. Ouais. Et ils ont participé, ils étaient à fond, ça applaudissait, ça réagissait. Ouais, un wall of death, quoi. Un wall of death sur du sympho, les gars. Une ouverture. À l'ouverture. On avait peur qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, c'était blindé et les gens étaient. Tellement gentil. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Ever After, on est sur un métal symphonique de la région de Lyon, qui qui nous a sorti un premier album en 2022, fin 2022. Fin 2022, début 2023. Voilà, qui s'appelle Fucking Phoenix, sur lequel on reviendra un peu plus tard. Donc, vous lancez d'une certaine façon votre carrière musicale. Quelle est la différence principale de jouer sur une scène comme celle du plein air par rapport aux différentes expériences live que vous avez pu connaître par le passé ? La différence entre toutes, alors déjà la première, il n'y a pas de différence parce qu'on prend toujours autant de plaisir à jouer n'importe où. Ça, c'est la ligne de conduite du groupe et parce que notre motivation, c'est de kiffer la scène. Et après, ouais, enfin, forcément, plus grande scène, un peu plus de pression, entre guillemets, sur une date comme ça. Mais on l'aborde bien parce qu'on a pu avoir beaucoup de dates avant ce concert-là qui nous a permis d'être à l'aise. On a fait même une résidence à Colombier, à la MAC, qui nous a permis de nous mettre à l'aise avec... avec le scénic et aussi surtout avec donc, tout ce qui est au niveau de la musique. Et justement, on était bien. Alors, est-ce que jouer sur une scène comme celle-ci, il faut apprendre à la gérer d'une certaine façon quand c'est plus grand? Moi, je vais être plus extrémiste que ça. Je pense qu'on a fait cette scène aujourd'hui comme si on avait joué dans un jardin devant trois personnes. Ouais. Est-ce que tu peux développer un peu? Développer, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est partager ce qu'on fait, c'est prendre plaisir. Donc qui est, je sais pas, 1500 personnes ou 10, on veut partager la même énergie et prendre plaisir. Donc là, c'est vrai que c'est plus impressionnant parce qu'il y a une foule plus grande. Il y a un côté super rassurant, c'est parce qu'il y a des professionnels derrière nous. On a eu un problème technique sur scène, ils ont réglé le problème en 20 secondes. Donc ça, c'est vraiment le côté confort. Mais après, on n'a pas eu, enfin, je pense, pas eu la pression plus que ça, parce qu'on avait bien préparé cette scène-là aussi. Et voilà, on prend plaisir, qu'importe la scène. On a toujours pris plaisir sur chacune de nos scènes. Ouais, c'est un kiff de malade, c'est les sourires des gens, c'est partager de l'amour qui est 10, 20, 200... 1000 personnes, peu importe, le but c'est vraiment ça. En fait, je pense que les gens, ouais, on disait tout à l'heure, ont été privés de ça pendant longtemps. Et maintenant, à chaque concert, bah, ils sont à fond. Ils nous donnent tellement, c'est juste énorme, quoi. Donc, du coup, la différence entre une grosse scène comme ça et d'autres petites, bah, c'est vraiment le confort sur scène avec tous les... L'accueil et le confort sur scène avec les techniciens et tout ça, c'est vraiment royal, en fait. On est tellement dans des bonnes conditions que... En gros, si on peut résumer... Tout l'aspect un petit peu difficile et technique est réglé et géré par d'autres personnes. Et vous pouvez vous concentrer uniquement sur une chose, c'est-à-dire jouer votre musique, passer un bon moment et faire passer un bon moment au public qui est présent. C'est ça, exactement. C'est bien résumé. Est-ce qu'on peut revenir maintenant sur votre premier album, Fucking Phoenix? D'où vient le titre de l'album qui est quand même assez équivoque? Alors, Fucking Phoenix, c'est parti d'un truc tout con. En fait, on a tous vécu à un moment donné des trucs super trash lors de séparation et on imagine toujours que l'amour est mort à chaque fois. Et en fait, l'amour, c'est le phénix à chaque fois qui renaît de ses cendres. Et bah ouais, il revient à chaque fois, c'est enfoiré en fait. Et on est obligé de s'y coller parce que l'amour, c'est ça en fait. Ça nous porte, ça nous fédère. Et c'était juste pour dire, pour donner ce message. Jamais il est mort. C'est une corde d'abondance. D'accord. Et est-ce que c'est quelque chose qui revient dans vos paroles justement? Ouais. Ouais, ouais, l'amour, le partage avec la nature, les injustices qu'on vit actuellement. Et puis essayer de partager ça avec bienveillance. Avec bienveillance. Voilà, moi j'ai rejoint le groupe. On est des bisounours un peu en fait. Alors moi j'ai pas lu vos paroles dans le moindre détail. Néanmoins lorsqu'on parcourt un petit peu les titres de vos morceaux et puis l'ambiance qui en dégage, on voit une espèce de fil conducteur qui se dresse autour du thème de l'environnement sur ce premier album. Est-ce que justement le phénix, il y a une connotation un petit peu positive autour de l'environnement? On pense toujours que c'est foutu, qu'on est dans la merde pour la suite. Et en fait, non. Je pense qu'on peut tous faire quelque chose. Ça peut être fédérateur. Ça peut faire plier, on l'espère encore, des lobbies. Ça peut être tellement bon si on y arrive tous. Enfin, si tous ceux qui y croient encore arrivent à... Donc, il y a une notion... une notion assez positive autour du thème de l'environnement. Oui, quand bien souvent, lorsqu'on parle de ça, on est sur quelque chose, surtout de nos jours, de très négatif. Après, bien entendu, on peut le comprendre puisque la situation reste quand même très souvent problématique. Et préoccupante. Alors maintenant, si on revient sur le choix de la guitare, donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un clavier qui est joué comme d'une guitare, donc c'est-à-dire debout, avec une sangle, et voilà, d'où est-ce que ça vient? Il y a plusieurs groupes qui ont le métal qui ont fait ça. C'est pas France Gall qui jouait du piano debout, non? En fait, il était jaloux des guitaristes, il devait faire comme eux. Exact, c'est tout à fait ça. Non, bah, pour revenir sur cet instrument, quelque part, c'est un manque de mouvement sur scène. Ouais. Certaines frustrations d'être sur scène derrière son piano. J'en avais marre d'avoir secoué la tête tout seul et d'aller vers eux et de vraiment voilà, kiffer. Bah, toujours pareil avec l'échange du public, partager cette énergie. Je comprends largement la frustration du batteur. C'est infernal de rester derrière ses fûts et de ne pas pouvoir bouger, malgré qu'Anto est très communicatif quand même avec le public, ce qui est bien. Et du coup, ouais, non, cet instrument apporte pas mal en fait, au niveau de toute la gamme de sons qu'il peut avoir. Avant, j'en avais un plus petit, j'ai dû passer sur plus grand justement pour pouvoir avoir un choix plus grand. Et je pense que tout se mélange en fait, avec que ce soit avec les choix des riffs, des guitares et au niveau de la basse batte qui vient se rajouter derrière. Voilà, on a vraiment une place où je trouve ma place justement avec cet instrument-là, et ce qui fait que ça s'emboîte de partout. Voilà, bien dans mon cul. Et bien, c'est dans le style de musique que vous pratiquez, c'est quelque chose qu'on a déjà vu auparavant. Moi, je pense notamment à Sonata Arctica, par exemple, qui a pu faire ça. Alors, je ne sais pas s'ils le font encore, le guitar. De nos jours, néanmoins, on les a vus, puis d'autres groupes, justement, de métal mélodique qui ont pu faire ça. Alors, bien sûr, on retrouve beaucoup d'influence du métal mélodique dans Ever After, mais ce n'est pas uniquement la seule chose que vous produisez, d'une certaine façon. On retrouve pas mal de choses qui ont été mélangées. Donc, est-ce que ça vient des influences de chacun? C'est une volonté. C'est une volonté de composer, de ne pas rester dans le cliché un petit peu du métal sympho. Mm-hmm. Autour de la table, on n'est pas énormément nombreux à écouter du métal sympho. On écoute tous un petit peu des choses diverses et variées. Et on voulait... alors, le métal sympho vient du fait que forcément, on a un chant féminin, un chant clair et un clavier. Donc forcément, ça fait forcément une connotation symphonique. Mm-hmm. Mais on voulait aussi s'y retrouver, nous, musicalement, à ne pas rentrer dans le cliché du métal sympho pur et mettre une petite patte, core, death, heavy... trashiser un petit peu tout ça. Et ça vient également dans l'accordage des guitares, qui est quand même assez bas parfois. Ouais, là, on est peut-être là, le plus bas qu'on est, c'est drop do. Ouais. Ça reste quand même assez grave, mais il y en a qui sont encore plus dans l'extrême. Ouais. Et pour en revenir aux influences, moi j'écoute pas du tout de metal sympho en fait. Moi, je suis vraiment très metalcore, tout ça. Mm-hmm. Donc quand on compose, au début, ça sonne très très un peu core, un peu death. Et après, on la voix un petit peu le synthé. Avec la voix, le synthé, ça canalise un peu. Et comme on disait, ce qui est vraiment excellent dans notre groupe, je ne lance pas des fleurs, mais quand même, c'est que tout le monde a sa place pour la compo. En fait, ils arrivent avec les riffs de guitare et ils sont vraiment hyper open en fait sur tout. Voilà, on va dire. Tiens, il va falloir, Hélène va demander un refrain en plus pour pouvoir s'exprimer encore plus. On va rajouter un refrain en plus. Non, mais ils sont surtout très prolifiques. Oui, aussi. Ils nous proposent tellement de choses variées. Sur le deuxième album là, sur lequel on est parti, ça va être encore plus trash, encore plus violent. Et on suit tous comme des fous. Cette chance qu'on a, c'est qu'on arrive tous à se greffer les uns les autres et à chacun apporter ce qu'on aime faire. Et du coup, personne prend le dessus. On est vraiment ensemble. Et ça, c'est indirectement, bonheur, on peut dire aussi qu'il y a tout le monde qui pense aux autres. Et c'est là qu'on est bon au niveau de la compo. Parce que je dis, je ne vais pas nous lancer des fleurs, mais genre Romain qui va sur un des morceaux qui s'appelle Artist Waiting avait un morceau à la guitare. Et en fait, il m'a filé cette mélodie parce qu'il m'a dit, moi, je ne peux pas faire ça à ce moment-là. Et du coup, je me retrouve moi à faire cette mélodie-là. Et ça fait cette alchimie et c'est ce qui est créé et qui justement donne cette patte. Est-ce qui est intéressant? Et est-ce que vous pensez que c'est difficile, ou alors c'est quand même assez rare plutôt, de trouver des personnes avec lesquelles composer? Est-ce que c'est facile? Difficile ou rare? Moi, je pense qu'on a eu la chance de tous se rencontrer, parce qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Chaque morceau du premier album qu'on a fait. Dans chaque morceau, il y a un moment où chacun d'entre nous va pouvoir se retrouver en disant bah tiens, ça c'était moi, ça c'est ma contribution. Ouais, tout le monde a contribué à tous les morceaux, à tous les passages. Et je pense que c'est une chance qu'on a eue de se trouver ensemble en fait. On se prend jamais la tête, c'est ouf. Et on veut garder cette ligne directrice pour le prochain album. Alors justement, où est-ce que vous en êtes pour le prochain? Est-ce que vous avez des morceaux finalisés? Est-ce que vous avez sur des démos? Alors finalisés, presque. Mmh. Ouais. Oui, on a commencé, l'écriture du deuxième album. On a deux morceaux qui sont presque achevés, un troisième qui voit le jour. Et là, on avait tout mis un petit peu en stand-by pour bien préparer le festival. Mmh. Maintenant, le festival est passé, on va continuer à faire deux, trois dates par-ci, par-là, mais on va un peu accentuer vers le deuxième album. Vers le deuxième album. Et justement, le premier, comment est-ce qu'il a été enregistré? Est-ce que ça a été du temps de studio ou alors plutôt du home studio? Alors, ça a été du home studio. On a fait, on est passé par... Deadlight Studio. Merci, voilà. Et donc c'est un album auto-produit mais mixé par... Par Fabrice, Deadlight Studio. D'accord. Donc on fait les prises un peu à la maison et ensuite on le donne à quelqu'un qui va... Qui va peaufiner, essayer d'arranger, équilibrer l'ensemble. Ouais. Tout okay. à fait. Et pour la suite, vous fonctionnerez principalement? Je pense différemment, même si on est très content du résultat. On va essayer de monter un petit peu en gamme pour le deuxième album. Donc on a pour projet peut-être éventuellement de passer en studio complètement pour le deuxième. On n'est pas encore là, puisque là pour l'instant on est vraiment dans la phase de d'écriture. Composition, ouais. Voilà. Et quand le moment sera venu, on prendra la décision collégiale de se dire, de voir comment on va fonctionner. C'est un petit peu prématuré maintenant pour dire quoi que ce soit là-dessus, mais on verra. Et justement, est-ce que le nom Ever After est une référence à After Forever? Pas du tout. Pas du tout? Non, pas du tout. Donc, Ever After... Parce que je suis le premier à la faire, celle-ci. Oui. C'est vrai? Oui, j'ai pensé en arrivant dans le groupe. J'ai pensé à ça tout de suite. Hein, d'accord. Ah ouais. Donc, je ne suis pas le premier. Alors, Ever After, en fait, est un morceau qui a été écrit et composé par Winning Gods, qui est un groupe de metal symphonique lyonnais aussi. Ouais. Ah ouais. Et ils ont un morceau tiré de leur deuxième album qui s'appelle Ever After. Et en fait c'est un morceau qu'on avait beaucoup apprécié avec Jérémy et Hélène et quand on a, voilà, il fallait décider dans notre groupe et on avait bien aimé ce morceau et le nom nous a plu et du coup voilà, donc aucune référence à After Forever qui était un bon groupe néanmoins, qui est un très bon groupe, ouais. Mais non, de rien à voir avec eux, mais donc des bisous à Winning Got s'ils nous écoutent et voilà. Alors maintenant, dernière question pour ce soir. Sur le Plein Air Fest, est-ce qu'il y a un groupe que vous attendez particulièrement de voir sur ces deux prochains jours? Alors, oui, mais personnellement. Après, personnellement, on va faire chacun notre tour. Tour de table, ouais. Et ben, je ne pourrais pas le voir puisqu'ils ont fini de jouer. voilà, ils ont commencé à jouer quand on a fini de jouer. Moi, pour moi, c'était Akiavel. Akiavel, ouais. Ouais, je les ai vus, très cool. Ah ouais, j'aurais aimé les voir, mais j'ai discuté un petit peu avec la chanteuse tout à l'heure. Voilà, on aura d'autres occasions pour aller les voir, mais c'est le groupe que j'aurais voulu voir. Moi, ce sera Vision of Atlantis demain. Ouais, cool. Moi, il y aura Massisteria et Vision of Atlantis. Ouais. Bah, moi, ce sera Blind Guardian. Ouais. Je sais pas si je pourrais voir, mais Blind Guardian. Et... si on a bientôt fini l'interview, on va vite aller les voir ensemble. Blind Guardian, Mirat et Paradise. Mirat, oui. Ouais. Cool. Ouais. Moi, je dirais Mirat et demain, surtout Resolve. J'adore Resolve. Ouais. Et puis Carcass No Brut aussi. Ouais. Là, sa feuille de pompe. Mirat, mais 100 fois, quoi. J'espère que je les raterai pas. Ouais, bon. Je quitterai deux secondes la team bar et Massisteria. Ouais. Bon, on a. Et toi? Et moi, alors Blind Guardian, parce que je les ai jamais vus, tout simplement, et puis que je suis quand même bien fan depuis le temps ado, ouais. Les époques de Nightfall in Middle Earth, fin 90, début 2000. Et puis ouais, quand ce style-là était quand même très populaire à l'époque, bon, mais ça n'a jamais marché comme ça a marché en Allemagne, en France. Néanmoins, ouais, c'est quelque chose que j'attends avec impatience. Mais c'est pas tout, puisqu'on a quand même une très belle programmation pour le Plein Air Fest, qui est pour moi l'une des meilleures programmations des festivals lyonnais de l'été. Paradise Lost, qu'on n'a pas vu à Lyon depuis quand même nombreuses années, bon, un peu avec les Covid et un peu tout, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Voilà. Paradise Lost, Mirat également, que j'avais vu de nombreuses reprises, mais que, à mon avis, le groupe a dû évoluer depuis la dernière fois que je les ai vus. Carpenter Brut aussi pour le show, parce que là aussi, j'ai jamais vu. Je connais bien sûr les clips, la musique, et puis toute l'ambiance qu'il y a autour. Et moi, je suis très curieux de voir comment ils arrivent à reproduire ça sur scène. Ensuite, petite déception pour l'autre Blast qui a dû malheureusement annuler ce soir. Mais voilà, il y a de quoi faire. J'en oublie certainement, j'ai ma petite feuille de pompe sur place là aussi. Ma Sisteria Nightmare, content de voir la nouvelle chanteuse. Chrysix, que j'avais vu jouer dans les bars de Saint-Etienne il y a quelques années avant qu'il soit très connu, à s'échanger, à faire des medley de Metallica, à s'échanger les instruments, c'était absolument. Vision Ascentis aussi pour le style Alceste, que j'avais vu il y a quelques années, qui vont faire, à mon avis, une belle prestation, surtout en début de nuit. C'est vraiment un groupe qui peut donner. Voilà, donc il y a de quoi faire. Il y a une belle prog. Ouais, carrément. Et en tout cas, on espère vous revoir très bientôt sur scène. Quelles sont les priorités? Bon, composition, oui. Nouveau concert à la rentrée quand même Au mois de novembre, ouais. À Saint-Symphorien d'Ozon, au Over 18 Motors. Yes. Et puis là, j'ai dû mettre un petit peu en stand-by pour bien préparer, et puis on va rebosser sur la prog dans le dur dès qu'on va rentrer à la maison. Voilà, et on relayera ça sur Overdrive Radio Duo. C'est en tout cool. Cas, Ever After, merci pour merci l'interview ce soir, et puis pour votre très chouette prestation. Merci. Merci. C'est bon. Merci. Voilà. Eh bien, merci à toi. Merci. Et sans transition, on enchaîne avec 12 Diversion et cet album Forwards Become Backwards et le morceau Draw From Your Soul. Tout de suite sur Overdrive, Radio Duo. Après 12 Diversions et Draw From Your Soul, ce sera toujours de l'électro, cette fois allemand, avec Blood Angel et ce pack for Blood qu'on envoie tout de suite pour rythmer les dance floors de l'été. Yes, yes, vous venez d'entendre le groupe Blood Angel Back for Blood. Tout de suite, on revient à du métal traditionnel maintenant. Telgun a sorti sur Atomic Fire Music Guns for Hire, morceau titre qui envoie de la vitesse sur le 895 de Radio Duo. Telgun, ça me rappelle bien entendu cet album No Prayer for the Dying de Maiden et le morceau introducteur. Yes, vous venez d'entendre Telgun Guns for Hire tout de suite sur Overdrive Radio Duo et on va continuer maintenant avec Death Ray Vision sorti sur le label Metal Blade Records, cet album No Mercy from Electric Eyes, ce sera bien entendu sur Overdrive Radio Duo. We'll be right back. Yes, le groupe Death Ray Vision, cet album, ce morceau Reaper sur Overdrive, Radio Duo avec No Mercy from Electric Eyes. On va rester dans cette lignée maintenant avec les frères Cavalera. Cavalera qui nous réenregistre les tout premiers albums de Sepultura sous le nom de Cavalera, bien entendu. Je parle de Bestial, Dévastation et de Morbid Vision. Ils ne tourneront à l'automne aux États-Unis, bien entendu, en rendant hommage à ces albums culte. Donc la production, bien sûr, se veut beaucoup plus moderne que ce qu'elle était au milieu des années 80, même si le groupe ne cherche pas vraiment à pêcher par trop de modernité et avoir un son qui serait stérile et qui ne rendrait pas justice à ces morceaux. Pour le coup, on va s'envoyer ça tout de suite avec un classique qui est resté malgré tout dans la playlist des frères Cavalera et même de Sepultura pendant très longtemps. Ce sera Troops of Doom tout de suite pour les frères Cavalera, extrait de ce Morbid Visions réenregistré. Yes, les frères Cavalera, Troops of Doom, extrait de ce Morbid Visions. Ça vient de voir le jour sur Nuclear Blast. Voilà, on va se quitter au son de Ain't Rain et de ce Chasing Divinity. Tout de suite, on remercie encore une fois le Plein Air Fest et le groupe Ever After pour l'interview. La semaine prochaine, pas d'émission Overdrive, mais dans deux semaines, j'aurai plein de choses à vous faire écouter, notamment de nombreuses émissions et interviews qui auront été réalisées lors du Motocultor Festival. Donc on devrait avoir de quoi s'amuser et de bien pulser un max. And Rain Chasing Divinity, c'est dans Overdrive Radio Duo.